bienvenue dans le Lobster 180.0. On est parti fort avec Master of Puppets en amuse-gueule dès l'entrée. Je trouve qu'on passe pas assez de Metallica dans le Lobster, donc on va se faire un Christ Metallica. Christmas Telica. Donc, un lobster du temps des fêtes. Et oui, enfin les vacances de Noël. Moi, je suis semi en vacances. Je n'ai pas pris de vacances cette année. Car dans le temps des fêtes, de toute façon, au bureau, on ne fait pas grand-chose. Les projets sont tous arrêtés. On touche à rien pour rien briser. Donc, on fait juste s'assurer que tout tourne bien, en fait. Donc, c'est ça. C'est comme si j'étais en congé sans vraiment prendre de vacances. J'espère sinon de votre côté que vous en profitez bien là, de cette période. Moi, j'ai été fêter Noël en famille à Québec, c'était vraiment le fun. Puis j'ai eu des beaux cadeaux vintage. J'ai eu des lunettes style aviateur, là, de vieil avion, pas de toit. Là. C'est des lunettes que je vais mettre quand je pense que je vais aller souffler la neige dehors. Là. Elles sont vraiment belles, là. Puis ils sont comme lustrés jaunes. C'est cute. Mais mon plus beau cadeau, j'ai eu une genre de couverte. En fait, c'est une courte pointe qui est tellement belle. C'est mon frère qui m'a donné ça. Je l'ai mis sur ma chaise de travail. Là. Elle est vraiment magnifique. C'est comme plein de morceaux de tissu cousus ensemble avec une doublure là, de l'autre côté. Elle est vraiment bien faite, mais il n'y a pas d'étiquette dessus. C'est comme homemade, là, mais juste en la regardant, tous ces bouts de tissu cousus ensemble, j'ai entendu son histoire. Je n'avais qu'à la prendre dans mes mains et à l'écouter. Quand je la regarde, quand je la prends dans mes bras et que je sens entre mes doigts tous ces petits bouts de tissu cousus ensemble, je n'ai qu'à fermer les yeux pour entendre son histoire. Cette courte pointe aurait été cousue par Awayanish, une femme iroquoise née dans la comté, à une époque où les objets gardaient le souvenir de ceux qui les avaient touchés. Son époux s'appelait Saumon Boiteux, un guerrier reconnaissable de loin à sa démarche irrégulière et à sa vue particulière, souvenir d'un combat qu'il n'avait pas gagné. Pourtant, il marchait toujours en tête, même blessé, même ralenti. Leur enfant, lui, marchait derrière, pas par timidité, mais parce que ses pas étaient plus courts. On remarquait vite que son ombre n'atteignait jamais celle de son père, qu'il fallait toujours l'attendre, et que les arcs qu'on lui fabriquait semblaient toujours trop grands pour ses grosses mains d'enfant distordues. Saumon Boiteux ne parlait pas beaucoup de ça. Il disait seulement « Certains naissent pour suivre la rivière autrement. » Awayanish, elle, l'observait. Elle voyait bien que même les couvertures du camp glissaient trop bas quand l'enfant dormait, qu'il fallait les replier, encore et encore. Le nom qu'il lui avait donné était Awayonka. Un mot iroquois qui se traduit par « celui qui a les bras trop courts pour prendre le pain ». Alors, Awayanish avait cousu cette courte pointe. Pas grande, pas lourde, mais parfaite pour quelqu'un qui n'occupe jamais toute la place qu'on lui donnait. Chaque morceau de tissu était mesuré à la main. On dit que Saumon Boiteux la regardait faire sans intervenir, appuyé sur sa lance, boitant légèrement, avec son regard de gnome qui semblait lire dans le tissu lui-même. Quand l'enfant la portait sur les épaules, elle ne traînait jamais au sol. Quand il dormait dessous, rien ne dépassait, comme si, pour une fois, le monde avait été ajusté à sa taille. Après la disparition de l'enfant, que certains disent avoir vu glisser dans la rivière, des murmures circulaient sur celui qui l'accompagnait ce jour-là, son père, Saumon Boiteux. Suite à l'incident, on raconte qu'il aurait quitté le village en claudiquant et marmonnant « Certains naissent pour retourner à la rivière. » La courte pointe, elle, resta au village, seul souvenir d'Awayonka. Awayanish, elle, ne l'a jamais agrandi. Elle disait « Elle est déjà complète. » La couverture a voyagé, de main en main, de récit en récit jusqu'à moi. Et depuis que je l'ai, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quand je la déplie complètement, il y a toujours un coin, un peu humide, comme si elle se souvenait encore de Saumon Boiteux et de l'enfant pour qui elle n'a jamais voulu grandir. À Noël, j'ai aussi reçu une poupée de LED pour ma collection là, de choses un peu vintage, là, qui sont pas trop belles. Moi, j'aime bien ce genre d'objets pas trop beaux d'une époque passée. Dernièrement, dans ma collection d'objets là, pas propres, j'ai ajouté deux Teletubbies. J'ai ajouté le violet puis le mauve. Le jaune, il est tellement sale que je l'appelle mon petit crotté. J'ai aussi, si je regarde, j'ai aussi ajouté Stepoff. Ben, je ne sais pas son nom en français. C'est le bonhomme dans Ghostbusters 1, là, le gros bonhomme Guimauve. Je l'ai trouvé dans une boutique au marché aux puces Saint-Michel. Il est quand même assez gros. Il était seulement 10$. C'était une boutique où ils vendent des vieux films usagés. Puis il y avait ça sur un comptoir. Quoi d'autre? J'ai aussi ajouté Elmo, le personnage de Sesame Street. C'est celui qui est rouge. Puis quoi, je vois Musclor aussi dans ma crèche. Lui, il est nouveau. Parce que je me suis fait comme une petite crèche. Là, tous mes personnages sont autour d'un Jésus. Ça fait assez Noël. Là. J'ai des vieilles poupées péruviennes. J'ai Musclor, j'ai Hulk Hogan. Qu'est-ce que je vois d'autre? J'ai les rois mages aussi. Bref, ça fait un petit peu Noël. Sinon, ben là, pendant que j'enregistre ce Lobster, je surveille l'heure aussi. Parce que dans quelques minutes, je pars au cinéma. Moi, j'adore Jack Black comme acteur, puis j'ai vu qu'il sortait un film le 25 décembre. C'est le film Anaconda. Donc, je vous passe la bande-annonce et au retour, je vous donne ma critique parce que je devrais être revenu du cinéma. Donc, on écoute la bande-annonce de Anaconda. J'en peux plus d'attendre. De quoi tu parles, Doug? On le fait! Le remake d'Anaconda. J'allais le dire. Attends, quoi? Ce sera la grande aventure de notre vie. On rêve de faire ce film depuis qu'on est gamin. Combien ça coûte de tourner ce machin? 2,5 millions de dollars. Nous vous avons accordé un prêt de... 9 400 $. Génial! On n'aura qu'à filmer façon indé. Caméra au point. On a besoin d'un bateau, d'un scénario, d'un dresseur de serpents et d'un vrai serpent. Claire et moi, on joue les rôles principaux. Je t'aime, Derek! Kenny, tu tiens la caméra. Ça tourne! Doug, tu réalises. Action! Approche ton visage plus près de sa gueule pour voir... Peut-être qu'il a rien. Coupé. On tourne Anaconda. Et on n'a même plus de serpents pour notre film de serpents. Faut qu'on aille au cœur de la jungle. En trouver un autre. Bon, la bande-annonce était un petit peu plus longue, mais je l'arrête car le bout qui s'en venait, c'était le seul bout drôle du film, donc je veux pas vous vendre le meilleur du film. Et, le film, j'ai ri seulement une fois durant tout le film avec mes trois autres comparses qui étaient dans la salle de cinéma. C'est pas mauvais, mais l'histoire est quand même mince. Là. Sur Rotten Tomatoes, les gens qui ont acheté des billets et donné une critique, eux, ils donnent une critique d'appréciation de 78%. Donc, c'est quand même pas bas. C'est quand même pas mauvais. Le film a été produit au coût de 45 millions d'après ce que je lis. Donc, ça devrait quand même se rentabiliser assez facilement s'il y a beaucoup d'autres comme moi là, qui vont le voir. Donc, c'est pas un échec. Mais bon, l'histoire est tellement mince et prévisible que c'est pas mauvais, mais c'est pas un grand film. Je m'attendais à rire, surtout. Moi, j'aime bien Jack Black qui fait des films drôles d'habitude. Puis là, tu sais, quand tu ris juste une fois durant tout le film... C'est un peu mince. Donc, ce film-là ne méritera pas que je le télécharge pour le garder là, dans mes films à réécouter. Mais bon, j'ai eu un bon moment au cinéma quand même. Mais si vous pouvez écouter-le à la maison, là, téléchargez-le quand il sortira. Sinon, durant le temps des fêtes, j'aime toujours aller voir sur le site de Radio Vatican ce que le pape a à nous dire. Si je vais voir, qu'est-ce qu'on peut lire? Ça dit « Dans son message de Noël adressé ce jeudi depuis la loggia de la Basilique Saint-Pierre, le pape a évoqué des nombreux conflits qui déchirent la planète. » Qu'est-ce qu'il dit? « Si chacun, au lieu d'accuser les autres, reconnaissait d'abord ses propres fautes et demandait pardon à Dieu, et en même temps se mettait à la place de ceux qui souffrent, se montrait solidaire des plus faibles et des opprimés, alors le monde changerait, a-t-il expliqué. » Donc, on l'écoute un moment, on va se faire bénir, c'est gratuit. En plus, c'est un pape qui est quand même jeune, le pape Léon, il a seulement 70 ans. Donc, on l'écoute, on se fait bénir là, gratuitement, je vous offre ça là, dans le Lobster. On écoute notre papousse. Maintenant, la bénédiction Orbi et Orbi du pape Léon XIV Sancti Apostoli Petrus et Paulus. Que les saints apôtres Pierre et Paul, en qui nous avons confiance, intercèdent pour nous auprès du Seigneur. Amen. Amen. Par les prières et les mérites de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant vous accorde sa miséricorde après avoir pardonné vos péchés et que Jésus vous conduise à la vie éternelle. Perducat vos Jesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Donc voilà, vous êtes bénis et pardonnés de tous vos péchés. Si certains d'entre vous, par exemple, auraient ri des nains ou des personnages de petite taille, alors vous êtes pardonnés avec cette prière. Si certains d'entre vous avaient dit des choses drôles et rigolotes là, pour vous moquer des personnes de taille abrupte, alors vous êtes pardonnés. Si certains d'entre vous ont fait de l'esbrouffe sur le thème du nanisme dans le but de se moquer ou pour simplement s'amuser, alors vous êtes pardonnés. Donc moi, je me sens quand même plus libre, ça va me permettre de mieux débuter 2027. Là, en ce moment, je suis en congé de radio, l'émission du Grenier Pop ne revient qu'en janvier, mais j'ai deux émissions que je ne vous avais pas fait écouter encore. On a l'épisode 15 qui est un spécial sur les films des studios Ghibli et l'épisode 16 qui est Le rire à l'époque de la Révolution tranquille. Donc, on écoute ça dès maintenant. Je vous laisse sur ces deux épisodes et vous retrouve après le temps des fêtes avec de nouvelles aventures du Lobster. Un lobster qui sera toujours à la hauteur des plus petits. Donc, bonne écoute et à bientôt. Papa, papa! Le Grenier Pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop. Le Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop. Allô, allô! Bienvenue dans le Grenier Pop sur CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour grimper l'échelle qui mène au grenier. Cette semaine, on ouvre une boîte inspirée d'un concert que j'ai vu cet été dans un parc de l'île Perrot juste à côté de chez moi. Emporté par la brise musicale d'un orchestre à vent, nous allons plonger dans l'univers des films du studio Ghibli, un studio japonais fondé dans les années 80 par deux géants de l'animation, Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Un studio qui a façonné l'imaginaire de millions de personnes à travers le monde grâce à une signature magique. Des paysages poétiques, des créatures étranges et attachantes et des histoires qui oscillent entre rêve et réalité. Vous connaissez peut-être certains de leurs classiques, par exemple Mon voisin Totoro avec son gros esprit de la forêt au sourire immense, Le voyage de Chihiro qui a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, Princesse Mononoke, une fresque épique entre nature et humanité, ou encore Le château ambulant, où un magicien et une maison sur pattes déjouent les lois du temps. Même si vous n'avez jamais vu un film Ghibli, vous avez probablement déjà croisé une de leurs images quelque part, un Totoro sur un sac d'école, une scène de Chihiro sur les réseaux, ou une mélodie du compositeur Joe Hayashi, devenu presque un classique moderne. Alors, pour débuter l'émission en douceur, on écoute une pièce tirée de l'un de leurs films d'animation, une musique où chaque note semble raconter une histoire autant que les images elles-mêmes. Cet été, l'orchestre du Suroît a présenté un spectacle dans le parc là, à 5 minutes à pied de chez moi. Je m'y étais donc rendu sans avoir nécessairement tous les détails sur le spectacle. Et quelle ne fut pas ma surprise quand le chef d'orchestre a annoncé qu'il jouerait des pièces de musique tirées des films du studio Ghibli. J'étais tout excité. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la musique du film Princesse Mononoke, la pièce Ashitaka Tousan. Et durant l'heure où a duré le spectacle, on est passé des airs enchanteurs de mon voisin Totoro aux envolées magiques du voyage de Chihiro. Le spectacle, lui, était un hommage à cet univers enchanteur des studios Ghibli, où les chats volent, les esprits attendent le train et où la nature n'a jamais cessé de nous parler. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce que sont ces films d'animation du fameux studio Ghibli, prenons un petit moment pour replacer les choses. Le studio Ghibli a été fondé en 1985 par deux géants de l'animation japonaise. Hayao Miyazaki, le grand rêveur, maître des mondes poétiques et fantastiques, et Hayao Takahata, le réalisateur plus sensible, connu pour ses drames humains. Les deux ont travaillé ensemble au sein du studio Topcraft, notamment sur Nausicaa de la Vallée du Vent, un film tellement marquant qu'il a servi de point de départ à la création du studio Ghibli. Le nom Ghibli lui-même est un beau clin d'œil. C'est un mot qui désigne un vent chaud du désert. Miyazaki voulait que son studio soit comme un vent nouveau qui souffle sur l'animation. Et il a bien réussi. Ghibli est aujourd'hui l'un des studios d'animation les plus respectés au monde, souvent comparé à Disney, mais avec une sensibilité plus artisanale, plus contemplative, plus japonaise, pourrait-on dire. Le studio a produit plus de 20 longs-métrages, dont plusieurs ont marqué l'histoire du cinéma. Et on débute dès maintenant notre survol d'un premier film avec la bande-annonce de Princesse Mononoke. Ashitaka! Ne me touche pas, cette plaie n'est pas ordinaire. Découvre dans ton bras. Es-tu prêt à entendre le destin qui t'attend? Oui. Pourquoi coupe-t-il les arbres? Mon bras me brûle. Je suis venu ici pour demander à l'esprit de la forêt de me délivrer de la malédiction de Nago. Les hommes sont beaucoup plus dangereux que les dieux de la forêt. Princesse des esprits de la nature, des bêtes et des anciens dieux. Une sauvageonne, élevée par des loups et qui a juré ma mort. Les loups! Les loups! Nous sommes venus tuer les humains pour sauver la forêt. Cette guerre a trop duré. Vous pourriez vivre en paix avec les humains. Alors voilà, vous venez d'entendre un extrait de Princesse Mononoke, l'un des films importants de l'histoire du studio Ghibli. Princesse Mononoke, sorti en 1997, c'est un film épique qui se déroule dans un Japon médiéval mythologique. On y suit Ashitaka, un jeune prince frappé par une malédiction qui part en quête d'un remède. Sa route le mène au cœur d'un conflit entre les humains de la Cité du Fer et les esprits de la forêt menés par San, la fameuse Princesse Mononoke, une jeune fille élevée par des loups géants. C'est un film qui parle de nature, d'instrualisation, de guerre, de coexistence, mais sans jamais tomber dans le noir ou le moralisateur. Miyazaki montre les deux côtés du conflit avec beaucoup de nuances, les humains ne sont pas complètement mauvais et la forêt n'est pas complètement parfaite. C'est cette ambiguïté qui fait la force du film. Côté production, Princesse Mononoke est un projet gigantesque pour le studio Ghibli. Plusieurs scènes ont été animées à la main, image par image, et c'était à l'époque leur film le plus ambitieux sur le plan visuel. Et côté succès, c'était énorme. À sa sortie au Japon, le film a brisé tous les records et il est devenu le film le plus lucratif de l'histoire du pays, avant d'être détrôné quelques années plus tard par Titanic, puis ensuite par un autre de leurs films, Le Voyage de Chihiro. Il a aussi servi de porte d'entrée pour faire connaître le studio en Amérique du Nord. Le studio avait investi un budget important pour l'époque, 2,35 milliards de yens, soit environ 26 millions de dollars canadiens, et le succès a dépassé tous les attentes. Le film attire plus de 13 millions de spectateurs au Japon et rapporte 17 milliards de yens, soit 197 millions de nos dollars canadiens, donc plus de 6 fois son budget. C'est évidemment un gros succès commercial. Aujourd'hui encore, Princesse Mononoke est souvent considéré comme l'un des plus grands films d'animation jamais réalisés. Un film puissant, mature, beau, violent, mais incroyablement poétique. Et si vous voulez l'écouter, ainsi que les autres films du studio Ghibli, je vois qu'ils sont disponibles sur le site anime-sama.ei. En échange de quelques pubs que vous pouvez fermer, vous avez la version en japonais et en français de ces films dont je vous parle aujourd'hui. Donc, sur le site anime-sama.ei. Et maintenant, un film aussi intense et épique que Princesse Mononoke, j'avais envie qu'on se tourne vers un autre grand classique du studio, un film qui a littéralement fait entrer l'animation japonaise dans l'histoire du cinéma mondial. Je parle du film Le Voyage de Chihiro, sorti en 2001. C'est probablement le film le plus célèbre du studio. Même ceux qui n'ont jamais vu un seul Ghibli ont souvent entendu parler de Chihiro, de la sorcière Yubaba ou du mystérieux sans-visage. L'histoire, c'est celle de Chihiro, une fillette de 10 ans qui se retrouve coincée dans un monde d'esprits après que ses parents se soient transformés en cochons. Elle doit alors travailler dans un gigantesque bain public pour créatures surnaturelles, un endroit rempli de dieux du vent, d'esprits de la forêt, de monstres un peu bizarres et d'êtres plus énigmatiques les uns que les autres. Visuellement, Le Voyage de Chihiro, c'est un véritable rêve éveillé, un film qui fonctionne autant comme un conte initiatique que comme une fresque fantastique. Et ce n'est pas seulement un film culte, c'est un film historique. À sa sortie, il a explosé le box-office japonais, dépassant même le film Titanic. Il a attiré des millions de spectateurs et rapporté 31 milliards de yens au Japon, soit 364 millions de dollars canadiens. C'est un succès monumental qui a marqué l'histoire de l'animation japonaise et permis au studio Ghibli de s'imposer sur la scène mondiale. Et ce n'est pas tout. En 2003, Le Voyage de Chihiro a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, devenant ainsi le premier film non anglophone en 2D à recevoir cette distinction. Un moment marquant pour Ghibli et pour tout le cinéma d'animation. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter sa bande-annonce qui débute avec la musique de Joe Hisaishi et la pièce One Summer's Day. Chihiro? Chihiro? On est presque arrivé. Tu sais vraiment où tu vas, là? Ne t'en fais pas. Allons-nous-en! Revenez! Je veux que vous me donniez du travail! La ferme, Tino! Attends tout de suite! Je venais te réveiller quand j'ai trouvé ça. Regarde, de l'or, une vraie pépite d'or. Ton milliardaire n'était qu'un sans-visage, un monstre absolument épouvantable. Et Yubaba estime que tu es responsable. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je disparais! Mais qui êtes-vous? Chihiro? Est-ce que c'est moi? Ah, Tu penses qu'on va se revoir? Je te le promets. Tu le promets? Oui. Papa, maman, s'il te plaît! Où as-tu trouvé cet immonde bras volant? À court! Qu'est-ce que tu as fait de mon bébé d'amour? Il serait mieux de rester t'amuser avec moi. Mais si tu veux, je te casse le bras. Après l'univers merveilleux et mystérieux de Chihiro, on continue notre petit voyage Ghibli avec Le Château ambulant, sorti en 2004. Ce film raconte l'histoire de la jeune Sophie, une modiste, qui fabrique des chapeaux. Un jour, elle croise la sorcière des Landes qui la transforme en vieille femme d'un seul coup. Sophie, désormais âgée malgré elle, décide de quitter sa ville et de chercher un moyen de briser la malédiction. Et c'est là que sa route l'amène au Château ambulant. Une étrange maison magique qui peut se déplacer toute seule et qui appartient à Horu, un magicien charmeur mais un peu mystérieux. À l'intérieur, Sophie va y rencontrer plusieurs personnages hauts en couleur, dont Calcifer, un démon du feu qui alimente le château et avec qui Sophie conclut un pacte. Au fil de l'histoire, Sophie et Horu vont se rapprocher, découvrir leurs propres failles et secrets et affronter une guerre qui se déroule dans le royaume. L'intrigue mélange romance, aventure, magie et réflexion sur le temps qui passe, tout en explorant des thèmes chers à Miyazaki, le respect de la nature, le courage face aux épreuves et le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Moi, une chose que j'ai bien aimée dans ce film, c'est que les portes du château ambulant permettent de sortir à différents endroits, un peu comme des portails magiques. Chaque sortie ouvre sur un monde différent, parfois une colline ensoleillée, parfois c'est une ville en guerre ou un paysage désertique. C'est un détail magique qui montre à quel point le château lui-même est vivant, presque un personnage à part entière et qui renforce l'impression que tout est possible dans cet univers Ghibli. Le film est également rempli de petits détails visuels et poétiques. Chaque pièce du château est un monde en soi avec ses engrenages, ses escaliers improbables et ses recoins mystérieux. Et comme toujours avec Ghibli, la musique de Joe Hisaishi accompagne parfaitement les émotions et les paysages, donnant une atmosphère inoubliable à ce voyage fantastique. On écoute maintenant un extrait du film. Mais d'où elle sort celle-là? Porte du port! Elle est là depuis quand? Voilà, voilà! Monsieur le maire? Le soleil est à son zénith. Je souhaiterais parler à Maître Jenkins. Le maître est sorti. En son absence, je prends tous les messages. Voici une invitation de la part de Sa Majesté le Roi. La guerre ayant été déclarée, Sa Majesté désire que tous les magiciens, tous les sorciers et même les sorcières prêtent main forte à la patrie. La présence de Maître Jenkins est indispensable. Je vous salue. Nous sommes en guerre, c'est épouvantable. Grand-mère, on peut savoir qui vous êtes? C'est Calcifer qui m'a laissé entrer. Attends, attends, j'y suis pour rien, moi. Elle est entrée toute seule, elle vient des Landes. Des Landes? Ça, c'est bizarre. Vous n'êtes pas sorcière, au moins. Une sorcière ne pourrait pas entrer au château. Porte du port, à nouveau! Encore un client? Voilà, voilà! Oui, c'est pourquoi? Bonjour, monsieur, c'est ma maman qui m'envoie. Toujours le même sortilège? Mmh. Tu ne feras pas de bêtises, hein? Ça alors? Nous avons quitté les Landes. Dites, grand-mère, vous êtes une sorcière, vous aussi? Mon enfant, je suis la plus terrible des sorcières de ce royaume. Sur le bateau, cette poudre tu répandras, alors le vent se lèvera. Merci. Bonne chance. C'est pas beau de mentir à votre âge. Toi, bonhomme, tu ferais mieux d'enlever cet affreux déguisement. C'est pas un déguisement, c'est un habit magique. Porte de Kingsbury! J'arrive! Bonjour, c'est bien ici que demeure monsieur le magicien Pendragon? Oui, c'est pourquoi? Je suis porteur d'une invitation de Sa Majesté le Roi. Veuillez dire à votre maître que sa présence est requise d'urgence au palais. Le message sera transmis, monsieur. Donc, c'est très amusant. Dans l'extrait, on entendait la porte du château qui s'ouvre sur différents endroits. C'est bien pensé, c'est très fantastique et permet de faire de belles choses dans le film. Maintenant, changeons un peu d'univers avec un autre film que j'ai bien aimé, mais qui est plus léger. Le Royaume des chats, sorti en 2002. L'histoire suit Haru, une adolescente un peu timide et maladroite qui sauve un chat d'un accident. À sa grande surprise, ce chat est en réalité un prince du Royaume des chats, un monde magique peuplé de félins qui marchent sur deux pattes et parlent comme des humains. Pour la remercier, les chats l'emmènent dans leur royaume où tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Le film est beaucoup plus léger et comique que d'autres œuvres de Ghibli. Les chats ont des personnalités très humaines et leurs petites querelles et manigances créent de nombreuses situations drôles. Haru doit donc naviguer entre le merveilleux et le ridicule pour retrouver son monde et sa vie normale. Les décors et costumes sont colorés, fantastiques et remplis de petits détails qui font sourire. Le Royaume des chats n'a pas eu un énorme succès au box-office comparé à Mononoke ou Chihiro, mais il est devenu un petit bijou pour les amateurs de Ghibli, notamment pour son humour. C'est donc le film parfait pour rêver, sourire et se dire que même un chat peut vous embarquer dans une grande aventure. Le chat! Comment va-t-il? Si d'aventure il vous arrivait de sauver la vie d'un chat... Vous m'avez sauvé la vie en prenant d'énormes risques. Je vous en suis très reconnaissant. Vous en serez toujours remercié. Le chat que vous avez sauvé aujourd'hui se trouve être le fils du roi, le prince Loon en personne. Mais à la façon des chats... Nous serions heureux de vous recevoir au royaume des chats. Sa Majesté le roi des chats espère la présence du prince Loon pour vous proposer de l'épouser. C'est impossible, le prince est un chat. Le prince ne peut pas épouser un être humain. Désormais, tu es des nôtres. Oh, mon chat. Moi, en tout cas, je regrette pas d'être venu, c'est à mourir de rire. Le studio Ghibli est heureux de vous inviter au-delà du monde des humains, dans un endroit merveilleux et insolite, au royaume des chats. À bientôt! Maintenant, imaginez un monde où chaque feuille, chaque grain de poussière, chaque objet devient un univers à part entière. Bienvenue dans Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Nous allons suivre Arrietty, une jeune fille minuscule qui vit cachée sous le plancher d'une maison humaine. Chaque geste des habitants, chaque bruit, chaque souffle devient pour elle une véritable aventure. Quand elle rencontre Sho, un garçon humain curieux et attentif, son univers s'ouvre à de nouvelles découvertes et à de petites et grandes émotions. Ce qui rend ce film si magique, c'est la perspective unique. Tout est immense pour Arrietty et le quotidien devient extraordinaire. Les décors, les objets et même les rayons de lumière sont magnifiquement animés, créant un monde à la fois fragile, poétique et fascinant. Et la musique, signée Cécile Corbeil, apporte une touche douce et envoûtante qui accompagne chaque pas de nos minuscules héroïnes dans leurs grandes aventures. Donc, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, nous rappelle que parfois, les plus petites choses peuvent avoir les histoires les plus grandes. On en aura bien assez jusqu'à l'année prochaine. Les lauriers ne poussent pas à côté, ma chérie, tu t'éloignes trop. Si un humain t'apercevait, qu'est-ce que tu ferais? Jamais ils m'attraperont. Le monde de dehors est peuplé de créatures dangereuses. Dans la famille de ton grand-père... Il y en a qui ont été dévorés par des crapauds, oui, je sais. Il sent drôlement bon, ce shizu, tu ne trouves pas? Il est très parfumé. Si on avait un ou deux morceaux de sucre, je pourrais faire un jus délicieux. C'est pas un problème, j'irai en chaparder cette nuit. Oh, ce sera mon premier chapardage. Je m'y suis entraînée jour et nuit. Voilà papa qui rentre. Bonsoir mon papa. Tu sais papa, pour ma première soirée de chapardage... Il y a un enfant qui est arrivé dans cette maison. Quoi? Je l'ai aperçu, c'est un garçon. Oh Arietti, je t'avais pas. Mais lui n'a pas pu me voir, d'ailleurs personne ne m'a vu. Je m'étais cachée derrière une grande feuille de laurier. Papa, tu m'avais promis de m'emmener avec toi ce soir. Il n'en est pas question, c'est beaucoup trop dangereux. Maman, je risque rien, c'est juste un enfant. Papa, tu sais que j'attends ce moment avec impatience. T'as pas le droit de me faire ça. Les enfants des humains peuvent être plus cruels que leurs aînés. Tout ira bien. Comme chez nous, les enfants d'humains se couchent tôt. Merci, merci papa. Mais enfin, Pod. Et puis, ce garçon a l'air malade, ne t'en fais pas, tout ira bien. Oh, mais tout de même. Ne te fais pas de soucis, maman. Je serai très prudente, je te le promets. Bon, maintenant, il faut parler du dernier film des studios Ghibli, Le garçon et le héros. Et je vais vous le dire franchement, c'est le seul film du studio que je n'ai pas vraiment aimé. Oui, je vous le dis parce que si par hasard vous découvrez le studio par leur film le plus récent, vous risquez de ne pas accrocher. Alors, quoi dire sur ce film? On y suit Maïto, un garçon de 11 ans qui perd sa mère et découvre un monde fantastique guidé par un héros mystérieux. Bon, c'est un film qui a quand même de la poésie, du drame et du symbolisme, mais moi, je n'ai pas accroché. Peut-être que le ton un peu plus sombre et introspectif m'a moins parlé que les autres films du studio, qui sont souvent plus accessibles ou pleins de fantaisie. Mais si vous voulez vraiment découvrir Ghibli dans le bonheur, je vous recommanderais de commencer par ceux dont j'ai parlé plus tôt, soit Le Voyage de Chihiro, on l'écoute en premier, Le Château ambulant, Romance aventure et Un château qui bouge tout seul, Princesse Mononoke, épique, philosophique et intense. Donc, dans cet ordre-là, vous ne vous tromperez pas. Et après ça, vous pouvez explorer le reste des films du studio au hasard, selon votre humeur et vos envies, parce qu'avec Ghibli, chaque film a son charme et peut vous surprendre. Et justement, en parlant de films à voir absolument, impossible de passer à côté de Nausicaa de la Vallée du Vent, sorti en 84, avant même la création officielle du studio Ghibli. Ce film a posé les bases de ce que deviendra le studio, des univers riches, des personnages féminins forts, des messages écologiques et une réflexion sur le courage et l'humanité. Donc, dans ce film, on suit l'histoire de Nausicaa, une jeune princesse courageuse qui vit dans la Vallée du Vent, un petit royaume protégé d'un monde dévasté par une forêt toxique et des insectes géants. Nausicaa va donc tenter de préserver la paix entre les humains et la nature et de comprendre les mystères de cette forêt menaçante, mais fascinante. Le film mélange aventure, drame et message écologique et reste visuellement époustouflant, même si le film date quand même de 84. C'est donc un film clé pour comprendre l'évolution artistique du studio Ghibli et un incontournable pour tous les fans d'animation. Bref, si vous voulez explorer Ghibli depuis ses racines, Nausicaa est un excellent choix aussi. Maître Yupa! Nausicaa, je ne t'avais pas reconnue. J'ai beaucoup changé en un an. Mon père va être content de vous revoir. Merci de m'avoir secouru. Tu maîtrises le pilotage à la perfection. Mon père dit que j'ai encore des progrès à faire. Oui, je l'avais complètement oublié, celui-là. Oh, un renard écureuil, c'est la première fois que j'en vois un. Un insecte l'avait emporté et de loin je l'ai pris pour un bébé humain. Et j'ai fait l'erreur de tirer sur l'insecte. Ce qui a provoqué la colère de l'Omu qui vous a pourchassé. Heureusement, il s'est évanoui de terreur, il n'a pas dû respirer les poisons. Il vaut mieux ne pas trop le toucher, même jeune, ils peuvent être agressifs. Viens là. Allez, saute. Fais attention, Nausicaa. Tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Tu vois, inutile d'avoir peur. Voilà. Tu étais tout simplement effrayé. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode du Grenier Pop et ce petit tour dans l'univers du studio Ghibli et de ses films d'animation extraordinaires. Et je vous le répète, avant de terminer, vous pouvez les voir gratuitement sur le site anime-sama.eu. Culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on bienvenue dans le Grenier Pop sur CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour tenter de grimper l'échelle qui mène au grenier. Et comme la neige tombe de plus en plus ces temps-ci, disons que les marches sont un peu glissantes. Et cette semaine, dans le grenier, on ouvre une vieille boîte sur laquelle est inscrit « Le rire à l'époque de la Révolution tranquille ». J'avais le goût cette semaine de nous rappeler ces humoristes marquants des années 60 et 70, des artistes qui ont utilisé le rire pour questionner, déranger, faire réfléchir et parfois même pour dire tout haut ce que bien des gens pensaient tout bas. Des voix fortes, des textes engagés, un humour qui faisait rire mais qui faisait aussi avancer les choses. Pour commencer, ce voyage dans le rire de la Révolution tranquille, impossible de passer à côté d'un groupe qui a carrément redéfini la satire au Québec. Je parle ici des cyniques. C'était Marc Laurendeau, André Dubois, Serge Grenier et Pierre Huet. À la fin des années 60 et au début des années 70, les cyniques ont proposé un humour direct, intelligent et souvent tranchant qui s'attaquait sans détour à la politique, à la religion, à la morale et aux grandes contradictions de la société québécoise de l'époque. Les cyniques, ce n'était pas de l'humour pour se distraire passivement. C'était un humour pour bousculer, pour faire rire tout en forçant la réflexion. Ils arrivaient à mettre des mots et surtout des rires sur des sujets qui, à cette époque, étaient encore entourés d'une petite auréole de tabou. Je vous propose donc qu'on écoute un extrait tiré du vinyle Exit, sorti en 1972, un sketch qui représente bien leur ton et leur époque et qui fait encore sourire. Le sketch se nomme « Un nudiste de chez nous ». On l'écoute. À l'occasion de l'ouverture du premier camp nudiste au Québec, nous accueillons le surveillant-chef de ce camp, M. Joe Lemoine. Mon cher Lemoine, dites-moi pourquoi, comment se fait-il que ça ait pris tant de temps au Québec avant d'avoir son premier camp nudiste? Ben, je comprends pas ça. En Ontario, qui est une province riche, ils ont des camps de nudistes depuis longtemps, puis au Québec, on n'en avait pas un seul, puis on était une gang de tout nus. Quel est l'intérêt social d'un camp nudiste? Ben, c'est une belle école de démocratie. Chacun est libre d'exposer son point de vue. Ça permet des face-à-face intéressants. On dit par ailleurs que vos camps, là, sont des endroits de perdition. Ah, c'est pas vrai, monsieur. Ça, c'est des fausses rumeurs. Bon, ben alors, je vous pose une question plus personnelle. Qu'est-ce que vous pensez vous-même là, des relations sexuelles avant le mariage? Ben, j'ai rien contre ça, en autant que ça retarde pas la cérémonie. Vous arrive-t-il parfois d'avoir des ennuis avec vos clients? Ah oui, on en a eu un qui est devenu fou furieux après 2 heures. Ah bon? Un pickpocket. Et dites-moi, pourquoi y a-t-il toujours chez vous là un gars qui porte une longue barbe? Ben, il en faut toujours un pour aller faire les commissions au village. Vous riez pas, vous? Non, ouais, j'irai pas. J'aurais cru au départ que vous feriez un bon membre, vous. Et dire que je pourrais peut-être remplir une carte où c'est écrit nom du membre, adresse du membre, longueur du membre? Non, je vais me fier à votre tête. Et j'enchaîne en disant, en vous demandant, est-ce que vous pratiquez des sports chez vous? Ah, dans notre camp de nudistes, certainement. Par exemple, avec les vieux au-dessus de 40 ans, là, on a formé 2 équipes de balles molles. Oh, mais on a bien de la misère à trouver un catcher. On a essayé la pétanque, mais ça a fait pétaque. Avez-vous des activités sociales? Oui, monsieur. À la fin de chaque camp, là, on a un grand bal masqué, hein? Oui, les hommes en cravate, les femmes en talons hauts. Très chic, c'est la tenue de gala. En terminant, mon cher Lemoine, on dit que vos, Vos camps nudistes pratiquent certaines formes de ségrégation. Est-ce que c'est vrai? Ah non, c'est pas vrai. La seule affaire, c'est qu'il faut mesurer 5 pieds et 4 en montant. Hein? Ça, c'est depuis qu'on a eu des problèmes avec un nain. Un nain? Il a fallu l'expulser. Il mettait toujours son nez dans les affaires des autres. Moi, j'aime bien ce type d'humour. Mais les cyniques, ce n'était pas que de l'humour sur scène ou sur disque, ils ont aussi marqué notre cinéma québécois. Et oui, ils apparaissent dans le film culte québécois X-13. Et oui, avec entre autres Louise Forestier, Louisette Dussault, Carole Laure, Luce Guilbeault et Jean-Guy Moreau. Ce film-là, X-13, si vous ne l'avez pas vu, c'est du bon divertissement. En plus, il est disponible gratuitement sur le site de l'ONF et sur YouTube aussi. Là, je l'ai vu aux deux endroits. Moi, je dois l'avoir vu 3 ou 4 fois au fil des ans et il y a une chanson que j'aime particulièrement dans ce film. C'est la chanson Le French Canadian Dream. C'est la chanson vulgaire. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour l'écouter. The French Canadian Dream. Demandez notre programme, puis notre popcorn ice cream. X-13, 5 cents de chips, de chips, de kikola, puis des outils en chocolat. S'il vous plaît. The French Canadian Dream. Demandez notre programme, puis notre popcorn ice cream. Il se dresse la réclisse armée ouest, une orange croche, puis mail, tu changes dans ma sacoche. Merci. Notre race des espions canadiens qui ne sort pas de nulle part et non, tout ça est tiré d'une série de romans d'espionnage québécois publiés en fascicule de 32 pages écrits par Pierre Sorel de novembre 1947 à septembre 1966. Pierre Sorel en aurait écrit 934 de ses fascicules d'après ce que je peux lire. C'est quand même pas mal d'action pour notre espion canadien. Moi, j'en ai quelques-uns de ces fascicules-là à la maison. Ce sont des histoires qui se lisent quand même rapidement, qui sont très efficaces. Et bonne nouvelle, ça se trouve encore facilement. Pour ceux qui vont au marché aux puces Saint-Michel, là, pour quelques dollars, c'est encore possible d'en acheter dans une des boutiques du deuxième étage. Maintenant, revenons à nos moutons. Le rire à l'époque de la Révolution tranquille. Un qui m'a marqué, dont je voyais souvent l'émission à la télé, c'est Sol. Et oui, je suis de la génération de ceux qui ont écouté Sol et gobelets à la télé. Et c'était quand même quelque chose. Sol, le clown clochard, joué par Mac Favreau, jouait avec les mots comme personne d'autre. On va l'écouter un moment nous expliquer que l'hôpital est malade. Un sujet qui est quand même encore bien d'actualité. En tant que chef de la recherche, je vous ai réunis pour vous dire que ça va mal, ça va mal, ça va mal, mais vous en faites pas, j'ai trouvé le bobo, c'est l'hôpital qui est malade. L'hôpital est congestionné. Et je sais pourquoi. J'ai trouvé pourquoi. C'est parce qu'on cherche trop. On n'arrête pas de chercher. On cherche, on cherche, on cherche. On cherche des nouveaux médicaments. Et tout ce qu'on trouve, c'est des nouveaux virus. Le dernier qu'on a trouvé, le virus ambulatoire. C'est pas pour rien qu'on l'appelle ambulatoire, c'est parce qu'il bouge drôlement vite. Il bouge tant tellement vite qu'on peut pas l'attraper, c'est lui qui nous attrape. Avec lui, avec le virus ambulatoire, on est drôlement attrapé. On sait plus où on est comme dans la brume. Il embrouille tout, il jette de la poudre aux vieux. Ça va mal depuis qu'on l'a, celui-là, ce virus ambulatoire. Ça va mal, partout, partout, partout, partout, partout, jusque dans le flop opératoire. Partout, partout, ça va mal, partout, partout, c'est l'ostéomorose. Ça va mal, on n'avance à rien. On recule les déchéances, c'est tout. On retarde le décharnement thérapeutique. On s'énergumène avec des manipulations frénétiques. Et pendant ce temps-là, le matériau sclérose. Et on patiente, et on patiente, et on patiente. On fait la queue, on donne des soins jusque sur le palliatif. Je sais, mes chers corroborateurs, vous allez me dire, mais non, les patients sont aux petits soins, de plus en plus petits, oui. Ça va mal, partout dans l'hôpital, ça va mal, ça va mal. On s'insurge à l'urgence, les civières sortent de leur lit complètement débordées. ça coule, ça fuit de partout, c'est la grande perfusion. Ça coule, et on patauge avec les marsouins intensifs. Et si on fait pas attention, bientôt on va finir par sombrer dans l'alcoolestérol. Et pourtant, pendant ce temps-là, on cherche encore, on cherche, on cherche. On cherche les docteurs. Où sont les docteurs? Il n'y a pas de docteurs, les docteurs sont rares. Où sont les docteurs? Ah, ah, les docteurs. Et si on a la chance d'en voir un passer, on se met à crier. Ah, ah, j'en ai vu un ovni praticien. Alors, mes chers corroborateurs, en tant que chef, je vous dis que ça peut pas continuer comme ça, ça va trop mal, il faut que ça change. Ça peut pas continuer comme ça. Nous avons commencé avec un petit bout de jouet. Un bon petit bout de jouet raisonnable. Mais là, je voudrais bien savoir qui s'est amusé à souffler dedans. Notre petit bout de jouet s'est mis à gonfler, gonfler, gonfler. Il a tant tellement gonflé qu'il s'est mis à monter, monter. Il a crevé tous les plafonds. Et un bout de jouet qui fait des trous, le sinistre aime pas ça. Il me l'a dit en personne. Vous allez nous dégonfler ça tout de suite. Vous êtes ponctionnaire, ponctionné. Bon, alors moi, en tant que votre chef, en tant que administrateur, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix du tout. Je prends une incision décisive et je coupe. Il y a trop longtemps que ça chauffe. Ici, je commence par couper le chauffage. Et comme il n'y a pas de feu sans fumée, je coupe la fumée aussi. Fini de fumer. Fini de fumer. Et ça, c'est pour tout le monde, y compris les directeurs adjoints. de fumer. Fini, fini la table de négociation. Fini les négociateurs qui fument et qui discussionnent derrière des portes closes, après closes, après closes, après closes. Si vraiment on veut refroidir nos cratères d'évacuation, il n'y a qu'une chose à faire, il faut régler une fois pour toutes la conventilation collective. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Quoi? La grève? Ça va pas, non? Vous êtes inconsistant? Pour la grève, attendez les vacances. Vous irez vous étendre sur les pages du lexique. Pour le moment, il n'y a qu'une chose qui compte. Je constatationne que nous sommes trop nombreux. C'est simple, nous souffrons d'un surplus d'affectifs. Et un surplus d'affectifs, c'est un excédent. Et un excédent, ça m'excède. Alors, je coupe. Je serai bref et circoncis. Dans cette même époque où l'humour et la parole prenaient enfin toute leur place pour dire le Québec autrement, il y a aussi une voix absolument incontournable. Celle de Clémence Desrochers, une pionnière, une femme qui très tôt a pris le micro pour parler du quotidien, des petits gens, de la solitude, de l'amour, du vieillissement et surtout de ce qu'on ne disait pas encore beaucoup à l'époque. À travers ses monologues et ses chansons, elle a donné une voix à des personnages qu'on entendait rarement, des femmes ordinaires, des gens seuls, des cœurs fragiles, mais aussi très drôles. Et encore aujourd'hui, quand on réécoute ses textes, on se rend compte qu'ils ont très bien vieilli, parce qu'ils parlent avant tout de nous. Donc, je vous propose d'en écouter un petit extrait. C'est parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire. Savez-vous, la semaine dernière, il m'est arrivé des amis, puis ils m'ont dit comme ça, ils ont dit « t'es une centripète, toi ». Fait que j'ai dit « pourquoi ?» Ben, ils ont dit « t'es toujours après parler de toi, tes petites affaires, tes familles, tout ça ». Ben, j'ai dit « c'est pas de ma faute parce que je sors pas beaucoup. Moi, le plus loin que je suis allée dans ma vie, c'est à Québec. Je suis allée à Québec avec Mademoiselle Chabot. » Non, c'est Chabot, parce que c'est une intellectuelle. Elle, c'est surtout... Elle lit beaucoup, beaucoup de livres de Mauriac, et puis même, elle corrige ses fautes. Je l'ai vue! Et puis, elle m'a emmenée à Québec, elle a dit, on va aller à Québec, puis elle m'a emmenée voir un sarcophage. Elle avait quelque chose à y dire. Et puis, après ça, elle m'a ramenée chez nous, sur ma rue Pacifique. Puis, savez-vous que ma rue Pacifique, c'est là que j'ai grandi... Puis, hein, c'est vrai, ma sœur est là, elle sait. Et puis, c'est que j'ai grandi. Et puis, c'est là que j'ai passé les plus belles années de mon enfance. Tellement, là, que des fois, j'ai envie de crier comme dans le film. Rendez-moi mon enfance! Mais je crie pas. J'ai écrit, par exemple, j'ai écrit toute une pièce de 20 minutes là-dessus. Puis, je l'ai soumis à un concours. Le juge, il dit, il y a de très bonnes idées là-dedans. Il dit, tiens, voilà 5 piastres. Va t'acheter du papier, puis recommence là. Et puis, après ça, savez-vous que quand j'ai commencé à grandir, nous autres, chez nous, on est du monde qui se tient comme ça. Parce que quand on a commencé à grandir, on a tous grandi en même temps. Mais la maison, elle se trouvait pas à grandir, alors on est obligé de déménager en campagne chez une femme qui avait un grand, grand cœur. Puis un grand terrain aussi. Elle dit, venez-vous-en, tous les 10, il y a de la place. Elle avait tellement un grand cœur qu'elle avait dit la même chose à 4 autres familles au grand complet. Ça fait que quand on est arrivé, nous autres, il nous restait plus que sa grange pour mettre nos meubles. Puis là, elle est venue nous retrouver là, puis elle a dit, vous êtes chez vous. Puis là, déjà, comprenez-vous qu'on sentait l'odeur de... Vous savez, ça sentait, là. Mais c'est de valeur parce que, vous savez, quand plusieurs personnes humaines se rassemblent puis dans un lieu, puis elles sont étrangères, ça fait des froissements qui appellent la climatisation est difficile. Alors, nous autres, ça a fait que ça a créé des problèmes. On a eu 2 grands problèmes. Le premier, c'est parce que le soir, on venait pour aller se coucher. Il y avait toujours quelqu'un dans le lit qui n'était pas là la veille. Mais il y en avait beaucoup. Il y avait à peu près 40 lits. Puis moi, je les ai tous faits, les 40. Seuls ou avec d'autres, ça dépendait. Et puis après ça, ben l'autre problème, c'est que mon frère, le plus jeune du pauvre petit, cette année-là, il faisait sa croissance. Puis donc, ça arrive à tout le monde de faire sa croissance, mais lui, c'est mal arrivé. C'est que, parce qu'il mangeait trop, puis nous autres, on avait chacun nos parts. Alors, comme il mangeait trop, ça fait de la chicane, puis c'est là qu'on a été obligés de s'en aller. On a déménagé ici, à Montréal, sur la Côte-des-Neiges, en pleine canicule. Et puis, alors mon père, il dit, ça n'a pas de bon sens, il dit, fuyons la canicule. Parce qu'il dit, on va aller camper en forêt vierge. Il dit, c'est le décor extra, ma sœur Jeanne avait 22 ans dans le temps. Ça fait qu'il dit à ma mère, il dit, fataliste. Elle n'a pas aimé ça du tout. Elle a dit, qu'est-ce que t'as à me traiter de fataliste? Elle a dit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Fait que là, le beau temps s'est changé en pluie. C'est une figure de style pour dire que la chicane a pogné pour les rester chez nous. Maintenant, s'il y a un nom qui s'impose naturellement quand on parle du rire à l'époque de la Révolution tranquille, c'est évidemment Yvon Deschamps, un humorisme majeur, un observateur lucide, parfois mordant, souvent tendre, mais toujours profondément ancré dans la réalité québécoise. Yvon Deschamps, ce n'est pas seulement des jokes, c'était des monologues qui parlaient de pauvreté, d'injustice, de pouvoir, de religion, de rapports humains. Des textes qui nous font rire, oui, mais qui dérangent aussi. Dans ma collection de vinyles, j'ai la majorité de ces disques. Et chaque fois qu'on en remet un sur la table tournante, on se rend compte à quel point ces mots résonnent encore aujourd'hui. On va terminer l'émission en écoutant une partie d'un vinyle que j'adore, un 33 tours sorti en 1975, L'Histoire sainte, la création. Je vous laisse sur un extrait de ce chef-d'œuvre que vous pouvez entendre en entier sur YouTube. Une fois, tout allait bien. Parce qu'une fois, il n'y avait rien, sauf un grand vide tout bleu, le bon Dieu. Il se dit, comme j'ai beaucoup de loisirs, faudrait que je me fasse plaisir. Car j'ai beau chercher où, tout scruter du regard, moi je suis censé être partout. Mais vu qu'il n'y a rien, je suis nulle part. Fait que là, le bon Dieu a décidé de se faire des affaires pour pouvoir y être. La première journée, il s'est pas énervé. Il a juste fait l'univers entier. Non, mais c'est une bonne journée d'ouvrage. 50 milliards de 60 millions de trillions de zillions de saucisses high grade. De planètes. La deuxième journée, il a fait la lumière. Parce qu'il est infiniment logique, puis d'un autre côté, il voulait avoir une idée de ce qu'il avait fait la veille. Mais il a bien aimé ça. C'est pour ça que sa page 2, tu le vois, il est de même. Oh. Il a trouvé ça assez beau, les petites boules qui tournaient et tout ça. La troisième journée, il a séparé les eaux avec la terre. Mais pas partout, parce que dans le coup chez nous, il y a encore de la boue. La quatrième journée, il a fait les arbres, les fleurs. La cinquième journée, il a regardé tout ça, il dit, je sais pas, j'ai bien fait de tout faire ça. M'a dit, comme on dit aujourd'hui, il s'est mis à faire des bébites. Des bébites, des milliers de grosses, des milliers de petites et grosses, qui mangent, qui dorment, qui sautent, qui dettes, qui pètent. Et quand Dieu vit qu'ils se mangeaient entre eux autres, il dit, c'est pas grave, on va en faire d'autres, fait que vers la fin de la journée, les animaux sont à créer. Et t'as vite, hein? La sixième journée, pour les ceux qui n'ont pas appris l'histoire sainte, la sixième journée, c'était la dernière journée d'ouvrage de Dieu. Parce que Dieu est infiniment intelligent. C'est le seul être qui a compris que six jours d'ouvrage d'une vie, c'est assez. Il a travaillé six jours, il a pris l'éternité de vacances. Essayez de voir ça dans une convention collective. Il n'aurait pas cette année en école, laissez-moi vous dire ça. Comme c'était sa dernière journée d'ouvrage, il s'est dit, ma foi du bon Dieu. Ben, quand tu voulais qu'il dise, il était seul. Bon, je veux bien qu'il dise quelque chose. Il dit, ma foi du bon Dieu. Il dit, vu que c'est ma dernière journée d'ouvrage, il faudra que je fasse quelque chose pour me dépasser. Il faudra que je crée une créature qui soit la plus belle, la plus harmonieuse de toute la création. Là, il a rosé de faire la femme. Après ça, il dit non. Je vais créer une belle créature, mais consciente. Non, mais faut la main. Il voulait faire une créature qui était consciente des beautés qu'il avait créées. Ah ah! Ça fait qu'il s'est dit, comme je suis infiniment beau, Dieu est infiniment... Qui c'est qui a ri à ça, là? Dieu est infiniment beau. Il dit, comme je suis infiniment beau, infiniment intelligent, infiniment conscient, Je vais faire une créature à mon image et à ma ressemblance. Mais ça, c'est pas facile. De faire quelque chose à ton image et à ta ressemblance, quand toi, t'as jamais commencé, tu finis pas nulle part, t'es partout. Par où que tu commences à te regarder? Et si t'es partout, où c'est qu'il y aura de la place pour un autre comme toi? Fait que là, le bon Dieu s'est dit, j'ai une idée, parce qu'il y en a eu deux, trois. Il dit, j'ai une idée. Il dit, je vais rien prendre, je vais rien faire avec, ça va être ça. Parce que c'est comme ça que Dieu crée. Il prend rien, il fait rien avec. Et c'est comme ça qu'il a créé le chef-d'œuvre de toute la création, l'homme. La plus belle créature terrestre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'homme, c'est ce qu'il y a de plus beau, regardez-moi. Ça me fait rien, vous pouvez rire. Mais je suis faite à l'image de Dieu, voyez-vous? Vous riez de moi, vous riez de lui. Moi, je suis pas méchant, mais lui peut venir comme un voleur, par exemple. C'est toi qui riais de moi tout à l'heure, hein? Allez, passez un mauvais quart d'heure d'éternité. Et c'est très long, un quart d'heure d'éternité. Naturellement, on ne voudra pas vous faire croire que Dieu et moi sommes absolument identiques. On a des petites différences. Tous les deux, on est infiniment bons, infiniment aimables, mais lui, le péché lui déplaît. Non, on a d'autres différences aussi. Lui, il est infini, puis moi, je suis presque fini. C'est certain qu'on n'est pas pareil, pareil. Mais une chose qui est encore plus certaine, c'est que les femmes ne peuvent pas ressembler à Dieu. Mais nous autres, les hommes, même si on n'est pas exact... Non, vous ne pouvez pas! Flyer là en bas ici, cette manette là. Jette-moi en une en bas là, juste pour voir. Fatigant. En tout cas, nous autres les hommes, peut-être qu'on n'est pas absolument semblables à Dieu, mais je suis sûr qu'au moins nous autres les hommes, on a toute une petite affaire pareille. Oui, parce que nous autres aussi, on donne la vie. Faut bien la donner avec quelque chose. Naturellement, lui, tout ce qu'il a fait avec, elle doit être infiniment grande, mais ça, c'est une autre affaire là. Je parle pas de grandeur, là. Ensuite, Dieu a créé la femme. Quand j'ai lu dans l'Histoire sainte que c'est Dieu lui-même qui a créé la femme, j'ai douté de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que Dieu est vraiment parfait? Après, je lui ai dit, oui, il est parfait. Donc, il a fait exprès. Pour nous éprouver. What the hell? What is it you think you're gonna do?